Salut, salut. Salut, salut, ça va ? Il y a combien de notes ? Il y a combien de mesures là ? Salut, salut. Je suis un peu perdu. Il y a combien de mesures là ? Try a simple song on BPI. Ok, thank you. Je suis un peu fort, non?